comme des crânes, entouré de mes amis. Elle m'emmène dans la chambre d'amis. Elle prend un tas et se déshabille. Là, je me sens dans les abysses. Yeah, pour leur donner l'abscisse. Yeah, je fais des prods sur mon laptop. Désolé pour les lapsus. Elle a même enlevé son top. J'ai pas dit si je rends as, mais je lui dis que moi aussi je viens d'ailleurs. Je me sens bloqué dans un time shift. Il rappe encore sur des tailles, mais moi je veux juste la bitch. A quel maquille, je pense c'est pas ma faute si t'as pétasse. Crois que je suis dans la vie. T'arrives pas à la satisfaire, mon gros c'est haché. De toute façon j'en veux même plus, c'est une chaîne. C'est pas ma faute si elle croit plutôt dans le game. Elle me tire jusqu'à la chambre, de faire taper sous extasie. Y'a des bonbons de la musique du champ, je lui j'y ramène ton cul ici. Elle veut tirer dans la chambre, elle veut se faire baiser sous extasie. Y'a des bonbons de la musique du champ, je lui j'y ramène ton cul par ici. Le valet on va le dire, c'est quoi ça va bébé, y'en est qui. Si les diamants la pisse, para des soirées drink. Tout au long de la codéine, un bâtard l'a dit l'interdit. Fumo la cerveza en Netflix. Esto fue de que chale, aunque cuando soy sexy. Una volta finito puoi seguire el exi. Gira per me, crescendo. Ci lascia sempre lo scelto. Fumo non penso, fumo la stendo.